Le flirt, ça manque aussi. Ouais. Par exemple. Un exemple. Je sais pas pourquoi ma voix a baissé, mais quand je suis touchée par quelque chose ou que quelque chose m'ébranle, en fait, j'ai la voix qui baisse comme ça. C'est comme si elle était un peu mouillée, en fait. Enfin, là, on dirait que j'ai juste pas d'énergie dans ma voix, mais c'est pas vrai, c'est qu'elle vient d'un endroit plus profond, et je sens exactement en fait d'où elle vient, je sens qu'elle sent... Elle vient de... presque l'estomac, en fait. Comme si elle était derrière l'estomac et qu'elle montait à travers les poumons et que je sens en fait tout mes cordes vocales. Enfin, je sais pas comment ça se passe exactement, mais c'est comme si l'œsophage, en fait, la voix, elle est quand même liée à toutes ces cavités intérieures et dont l'estomac fait partie, non? Le ventre, je sais pas pourquoi, quand on dit que ça nous prend par les tripes, c'est ça en fait, non? Simba. هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا يفشي حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بيدا سيمبا سيمبا روميو وصديقي يحفظ عهد الاصدقاء يعرف كيف يجاوب الايام روميو وصديقي علمنا العهد الوفاء علمنا ان J'ai rêvé que je faisais l'amour avec quelqu'un et après il me mettait un camembert dans le vagin et qu'il disparaissait. Donc que je devais aller, je sais plus à qui j'ai été demandé, je crois que j'étais dans un supermarché et je demandais au responsable des frigos ou un truc comme ça de me l'enlever. Et dans la suite du rêve, il me semble que... Après, je me souviens plus de la suite, mais il y a un moment où je dessinais 12 dessins pour un calendrier que je voulais offrir à grand-mère. Et puis, même si elle est décédée, je savais que... Elle était décédée, mais je voulais quand même le lui envoyer. Je sais pas où. À son ancienne adresse, peut-être. Et puis, dans la 12e feuille du calendrier pour le mois de décembre, il y avait un cosmonaute. Et puis, c'était. Et à la tête, elle sortait du dessin. C'était un vrai casque. Et du coup, je savais pas comment l'envoyer. Donc, je voulais enlever le mois de décembre. Et. Envoyer seulement 11 mois. ونهارنا عمل نملك الخيال وخيالنا أمل تزين الحياة وأن آخر النفق لكي ننسى ألمنا عشنا نذب لكن لا كنا أحياء